Jouer. Fais-moi une chanson. En ce moment, je sais pas si tu sais jouer. Je crois que ça s'appelle comme ça là. J'aimerais bien faire ça là. Thank you. connais ça? We'll be right back. réussi un truc. Vous l'essayez? Ralentir la vitesse. Thank you.